Le vieux Jonathan, qui était notre ami, aimait aux enfants raconter sa vie. Redis-nous encore l'histoire des tranchées, la médaille en or que tu as gagnée. Jonathan nous l'a raconté à sa guerre en trop. Pour sauver un gars, il fut un héros. Il perdit un bras. On a rigolé quand le vieux Jonathan nous l'a raconté. Et s'il s'arrêtait parce que trop ému, nous on lui disait vas-y continue. Et il racontait. Avant, je vivais pas seul ici. J'avais une femme, elle était jolie, mais elle trouvait pas que je l'embrassais bien, que je l'embrassais plein seulement d'un bras. On a rigolé, on a rigolé. Jonathan nous l'a raconté, son histoire d'amour qui dure pas toujours, et les sentiments qui font mal en dedans. On a rigolé, quand le vieux Jonathan nous l'a raconté, une larme au bord de ses grands yeux bleus, mais c'était encore pour qu'on rigole mieux. Et le temps passait. Par un jour d'hiver, il a fini son temps. Nous autour de lui attendions comme avant. Il parlait tout bas, mais savait, faut croire, que la mort n'attend pas la fin des histoires. J'en rigole encore, car avant de mourir, il m'a dit petit, ris encore longtemps, car ma chienne de vie, je n'ai eu de gratuit que le rire des enfants. J'en rigole encore, car si tu m'entends, mon vieux Jonathan, dans ton paradis, tu te dis le petit, il rigole encore comme les enfants. J'en rigole encore.